France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la lutte ouvrière de Rodia, c'est en 1967 avec nos deux invités. Où ils sont deux aujourd'hui, Nicolas Tzfeld et Cédric Lomba. Bonjour messieurs. Bonjour. Nicolas Tzfeld, vous êtes historien, chercheur et universitaire, spécialiste de l'histoire contemporaine et sociale à l'université d'Évry-Valaisonne. Avant de devenir historien, vous avez été vous-même militant, engagé à gauche, bien à gauche, hein, et ouvrier. Bah, vous nous raconterez ce parcours. Et vous, Cédric Lomba, vous êtes sociologue, chercheur au Centre de recherche sociologique et politique du CNRS Université de Paris 8, vous travaillez sur la situation des ouvriers dans les restructurations de longue durée, ce qui donnera lieu d'ailleurs à un livre cette année sur ce sujet, c'est ça hein ? Tout à fait. Vous en êtes où ? Presque au final du livre qui paraîtra aux éditions du Croquant, avant la fin de l'année. Vous avez le titre déjà ? Ça va peut-être, probablement, c'est encore en discussion, quelque chose comme les ouvriers dans les restructurations répétées. D'accord, bien. Alors, vous avez tous les deux écrit et participé à la rédaction de plusieurs ouvrages et publications, et ensemble, vous travaillez sur les Cahiers de mai, un groupe militant qui a publié une revue du même nom, de 68 à... c'est ça, non ? À 74 ? Bon, ça vous fait rire, qui a mis en place une pratique militante basée sur l'enquête ouvrière. Alors, on va commencer avec vous, Nicolas Hatzfeld. Racontez-moi votre parcours, cet engagement social et intellectuel qui vous a conduit de l'usine à l'université et à la recherche. Alors, je vais essayer d'aller très très vite parce que sinon je peux être intarissable. En gros, j'écoutais le rhythm and blues du même type que le dernier disque. Ça vient de passer, là, quand j'avais 16-17 ans. Mmh. Et je crois qu'en famille, j'ai vu le film projeté en 67. Voilà, donc j'avais l'âge de passer le bac cette année-là, en 68. Après quelques 68 m'a beaucoup passionné. Après quelques tâtonnements, je suis devenu donc militant d'extrême gauche, plutôt maoïste, et je suis allé m'établir en usine pendant 4 ans pour faire la révolution. Je n'ai pas fait la révolution, ça se saurait. Et puis peut-être que certains aspects étaient discutables dans la façon de la voir. En tous les cas, je me suis raccommodé petit à petit en devenant prof, ouais. Parallèlement chercheur, et une façon d'essayer de mettre à distance cette séquence extrêmement militante, c'était de faire l'histoire de grève, donc de voir les grèves comme quelque chose d'historique et non plus comme un avenir à faire advenir. Et ce film de Chris Marker a été le détonateur pour vous, on peut le dire ? Non, je suis pas sûr, mais en tous les cas, je suis sûr de l'avoir vu là, parce que sinon, après, j'étais tellement pris dans les trucs militants que je l'aurais vu beaucoup plus tard. Et c'est un souvenir de vraiment jeune que j'ai. Et vous, Cédric, parlez-nous de votre parcours et celui que vous avez en commun avec Nicolas Hatzfeld. Donc moi, j'ai un parcours beaucoup plus traditionnel, moins haut en couleur. Donc moi, j'ai travaillé donc sur les ouvriers, hein, sur la manière dont se vivent et vivent les ouvriers qui ont connu des restructurations depuis les années 70, en particulier sur la sidérurgie belge dans laquelle travaillait mon père. Et puis j'ai travaillé sur d'autres travailleurs de bas statut dans des secteurs de pointe, comme le secteur pharmaceutique, mais qui ne connaissent pas forcément des situations bien meilleures que celles de secteurs plus menacés, comme la métallurgie. Et puis on s'est retrouvé avec Nicolas pour travailler ensemble sur cette histoire de la Rodia Seta, que l'on connaissait, mais qui était relativement méconnu dans les travaux de sciences sociales. On l'a fait à l'occasion du 40e anniversaire de mai 68. On est donc revenu là sur le terrain, rencontrer différents témoins et en lisant différentes archives. Alors, c'était pas tout à fait une coïncidence, c'est-à-dire qu'on a fait nos thèses à peu près ensemble. Ouais. Et à cette occasion-là, on a travaillé à mêler l'histoire et la sociologie. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que si on a voulu travailler sur 67, c'était justement pour montrer ce qui s'était passé avant. Pas seulement pour montrer ce qu'il y avait de prémonitoire, mais pour essayer de mettre des gens dans l'idée qu'on ne savait pas qu'il y aurait mai 68. Mais oui, bien sûr. Alors, voilà. En quoi cette histoire de CETA en 67 est-elle annonciatrice de, selon vous, ce qu'on l'a dit déjà dans le récit, mais de ce qui sera mai 68 avec vous, Cédric Lomba, peut-être ? Bon, évidemment, il y a des points de relais entre les deux épisodes. Hein. On connaît une situation relativement semblable du point de vue socio-économique dans la France, hein, qui connaît un tassement de la production industrielle, des salaires également qui ne croissent plus comme auparavant. Des formes de critiques comme celles qui ont été énoncées dans le documentaire que vous avez diffusé, donc des formes de critiques de l'ordre du travail, des formes de critiques de la manière dont se comporte le petit encadrement, des formes de critiques également sur la gestion de sa vie, de ses loisirs, de relations entre le travail et le hors-travail. Évidemment, il y a des liens entre les deux moments. Il y a aussi un lien qui est très net, c'est que cette histoire d'occupation à la Rodiaceta, elle a une histoire sur laquelle on va peut-être revenir, elle ne vient pas de rien. Toutefois, personne ne décide, ne programme l'occupation. Ce sont les ouvriers qui, un samedi, après une vingtaine de journées de grève contre le chômage partiel, disent « bon, bah, on va arrêter, on va faire une grève et puis on va occuper, en particulier occuper ce fameux restaurant de l'usine ». Donc là, il n'y a pas de programme, un peu comme en mai 68. Côté libertaire, c'est-à-dire que ce n'est pas les syndicats qui décident de façon très classique, on va faire grève à partir de temps. Là, il y a une prise en main par les ouvriers eux-mêmes de leur destin. C'est ça le côté libertaire qui serait annonciateur de 68 ou pas? Pas tout à fait. Bon, je vous sentais circonspect pendant toute ma question. Je me disais, au moment où je pose la question, mot après mot, je suis en train de dire n'importe quoi, il n'est pas d'accord. Ah bah dites. C'est en partie vrai, mais disons que les syndicats à la Rodiaceta sont des syndicats un peu particuliers. C'est une usine qui a été construite en 55, le personnel est assez jeune, et les représentants syndicaux eux-mêmes sont assez jeunes. Et donc ils inventent des manières de lutter, de se mobiliser, plus qu'ils ne sont le réceptacle d'anciennes générations qui leur dit comment il faut négocier. Il y a d'ailleurs un des ouvriers qu'on avait rencontré qui a une formule pour l'expliciter et disait « Nous, on n'est pas dans les réunions traditionnelles, on n'est pas dans la danse du tango traditionnel, un pas en avant, un pas sur le côté, un pas en arrière, nous, c'est la marche. Ouais. » Rien à voir avec En Marche, évidemment, mais c'est la marche, on va tout droit. Et donc, il y a ce côté-là, mais il y a ce côté de... disons peut-être un peu anard, si on voulait le dire comme ça, bien qu'il ne s'en revendique pas spécialement, mais qui se passe dans les organisations syndicales, dans la CGT et dans la CFDT. Il y a un courant libertaire au sein des syndicats, et c'est le relais qu'on trouve là peut-être. Libertaire, décidément, ce mot-là il passe pas. Hein. Oui, ça pose un peu de problème parce que on a quand même vu des gens qui se disent un peu anard, mais quand même ils sont très attachés aux structures syndicales. Beaucoup s'engagent politiquement, donc c'est le terme libertaire avec les connotations d'aujourd'hui qui sont un peu décalées. Mais par contre, ne pas rentrer dans un certain nombre de carcans, ça c'est à coup sûr, oui. Si c'est ça, libertaire, c'est oui. C'est un peu ça dans mon esprit, je m'en sors bien. Nicolas Tzfel, Cédric Lomba disait, ce combat, là, Rodiaceta en 67, il tombe pas du ciel. Oui, alors, il y a une des choses qui nous... On a voulu tester aussi une autre question qu'on avait, c'était, ils sont jeunes, mais ils sont pas tout à fait des jeunes qu'on imaginera à partir des photos de 68, c'est-à-dire des jeunes de 20 ans. C'est des jeunes de presque 30 ans. Et ces jeunes de presque 30 ans, voilà, moi j'avais vu des traces de ça lors de conflits, de bagarres, d'affrontements très violents, pardon, à Sochaux. C'était des jeunes de 30 ans qui avaient fait l'Algérie. Et ceux-là, on est allé aussi y voir en disant, mais qu'est-ce qu'ils ont comme turbulence? Et comme turbulence, impertinence, il y a aussi le fait d'avoir vécu l'Algérie, d'avoir fait la guerre, d'avoir une idée très très forte de ce que c'est que l'autorité légitime, les bons officiers, les mauvais officiers, et de ne pas s'en laisser compter par n'importe quel chef à l'usine. Et très souvent, quand on a posé cette question-là, mais il y a un rapport avec la guerre d'Algérie, certains ont dit « évidemment ». On a entendu un témoin le dire, d'ailleurs. Voilà, récit, la mitraillette. Hein. Lui l'a dit. La mitraillette. J'ai pas des mots, j'avais la mitraillette. Et donc, il y a aussi... la turbulence est une turbulence de gens qui ne supportent pas l'autorité, qui considèrent comme stupide de l'usine, autoritariste en plus, accentué, tous les témoins ont dit, même d'anciens chefs, d'anciens cadres ont dit ça. Et l'autre chose un peu émouvante, c'est que militer et se battre leur permet peut-être de se refaire une dignité de combattant, entre guillemets, mais combattant autrement. Quoi. Alors, l'émission Affaires Sensibles, cette émission-là, depuis 4 ans qu'elle existe, est revenue souvent sur les conflits sociaux, au moins 5 ou 6 fois. Je me souviens des Conti, je me souviens des mineurs de Liévin, et je me souviens de l'émission que nous avions consacrée au conflit social chez Lippe. Alors, Lippe, c'était aussi Besançon. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'était 1973, donc quelques années, 5 ans après 67. Il y a un rapport entre ces deux conflits-là, Cédric Lombard, on peut établir un... ou Nicolas Hatzfeld, comme vous voulez. Très bien. Ben, donc, il y a des rapports, hein, parce que les usines sont proches, les personnes sont proches aussi. Alors, en 67, Lippe peut soutenir, notamment financièrement, la lutte à la Rodiaceta, mais débraye assez peu. C'est pas le moment où se fait la jonction. En revanche, lors du conflit Lippe, on repère des militants, notamment des militants très engagés syndicalement, dans le conflit Rodiaceta, qui se retrouvent dans Lippe, dans les différents collectifs. Donc de ce point de vue-là, il y a un lien. Je pense qu'il y a un deuxième lien, c'est que avant 1967, et c'est très particulier, une partie des acteurs syndicaux de Rodiaceta construisent un cahier de doléances et de propositions, de changements dans l'usine qui répondent à toutes les spécificités des différents ateliers de la Rodiaceta. C'est-à-dire qu'on prend pas une seule revendication générale, on essaie d'aller voir au concret quelles revendications peuvent porter tel ou tel atelier. Par exemple, pour le travail des femmes au conditionnement qui travaillent en 2-8, la revendication c'est... On arrête le travail le samedi à midi et pas à 14h pour bénéficier d'un week-end et de loisirs. Et donc ça, je pense que ça va peut-être initier, alors peut-être indirectement, certains groupes de travail dans Lippe, comme par exemple le groupe des femmes, qui va porter des revendications spécifiques qui étaient très importantes dans l'histoire de Lippe. Bien, alors, dans le documentaire, pardon de vous couper, de Chris Marker, ça va vite, un homme lance un message au patron, un à bientôt j'espère, donc on l'a entendu, cet homme s'appelle Georges Morivard, dit Yo-Yo, notre reporter Gellor van Wimersch, l'a retrouvé à Besançon, alors il y a 2 ans, je le précise, c'est important, accompagné d'un autre ouvrier qui s'appelle Henri Traforetti de la Rodia. Ils sont retournés donc tous les trois sur le lieu de la grève en 67. Je le rappelle, c'était en novembre 2015 ce reportage, et entre-temps, Georges Morivard est décédé le 4 août 2016, donc ce reportage a une dimension supplémentaire, et on va le réécouter. On se dirige vers le centre-ville. L'usine n'est pas très loin. Là, on voit la citadelle de Vauban, Besançon. Oui. Et la Rodia. Rodia Ceta. On l'aperçoit là-bas. À 4h le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Voilà devant l'entrée, accès interdit, danger. Marquez le stop. À la Rodia Ceta. Ah, c'était le poste des gardes. Là, on entre dans l'usine, dans ce qu'il en reste, puisque c'est une friche industrielle depuis les années 80. Ici, c'était quand même des ateliers assez difficiles, parce qu'il y avait un bruit terrible, une chaleur lourde, et puis des cadences très rythmées, etc. Tout était programmé par un ordinateur, et avec un encadrement de petits chefs pas très intéressant, quoi. On peut avancer, justement. Dans l'usine, on a la chance que ce soit ouvert aujourd'hui. On fait le tour, là-bas ? On entrait par là. On montait les escaliers, on rentrait au vestiaire, on enlevait ses vêtements, on mettait une cotte blanche, parce que comme dans certains ateliers, il faisait extrêmement lourd et très humide, on était dans le plus simple appareil, pour ainsi dire. Moi, j'ai toujours de l'émotion, parce que personnellement, ça a été une formation dans ma culture humaine, quoi, parce que j'ai rencontré des copains, des camarades, etc. C'était la formation d'hommes et de femmes qui sont émancipés, et ça les a grandis. Il y avait une principale inspiration, c'était le temps et les moyens de vivre. La culture, comme disait Bolsev, elle appartient aux bourgeois. Eux, ils savent ce que c'est que la culture. Mais nous, il faut apprendre. Donc pour apprendre, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut lire. Et tout d'un coup, par l'intermédiaire de la bibliothèque, on va commencer à lire. Moi, au début, quand j'allais à la bibliothèque, je prenais des polars. J'ai tout lu, les polars, pour ainsi dire. Et petit à petit, on va essayer de nous faire lire Bolsev. Principalement, on va nous dire, maintenant, arrête tes conneries. Il y a aussi autre chose, il y a d'autres romans, il y a d'autres auteurs et tout. Aragon, des trucs comme ça, quoi. Donc, il nous filait un bouquin,

Donc là, de fait, ça rend difficile les mobilisations, parce qu'on a affaire à une forme de patronat qui est plus éloignée, une forme de division entre les différents sites de production, de mise en concurrence internationale, mais aussi entre les différents sites de production en France. On le voit bien avec la mise en sous-traitance d'une partie des activités industrielles qui rendent difficile l'émergence de revendications communes entre des sites en concurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on sait très bien que le secteur secondaire, celui de la production industrielle, s'est atrophié en France comme dans beaucoup de pays occidentaux au profit du secteur des services, le secteur tertiaire. Donc il y a moins d'ouvriers, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de classe ouvrière? Est-ce qu'il y a encore une classe ouvrière en France? Et quelle est cette classe ouvrière? Alors, est-ce qu'il y a moins d'ouvriers? Il y a moins d'ouvriers. Mais en nombre, oui. Mais il y en a pas autant moins que ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de gens qui sont maintenant classés dans les services et qui sont, de fait, qui travaillent comme ouvriers. Tous les ouvriers intérimaires sont dans les services. C'est vrai. Et ils sont classés comme tertiaires. Donc ça, c'est la première chose. Mais ce qui est quand même ce sur quoi on est vraiment d'accord, c'est sur le fait que l'identité, la reconnaissance entre soi et la reconnaissance par les autres d'une classe, ça s'est passablement effrité. D'autant plus que les ouvriers sont aussi un peu orphelins politiquement. Oui. Dans leur représentation politique. Ça fait politique, partie de ça. Ils ne sont pas porteurs d'avenir comme on les charge pas d'avenir comme on les chargeait d'avenir avant. Toute dernière question, il reste 30 secondes. Est-ce que les syndicats sont toujours porteurs d'un modèle, à votre avis, Cédric Lombard? Comment répondre à ça en 15 secondes? En 15 secondes, alors très vite. on pourrait dire que, d'une certaine manière, oui, mais ils sont aussi à la recherche d'un modèle, notamment d'un modèle de représentation des travailleurs précaires. Mmh. C'est un des chantiers à venir pour le syndicalisme, ils y travaillent, et d'une réflexion aussi à porter sur les transformations de la qualité du travail. Très bien, merci infiniment Nicolas Hatzfeld et Cédric Lombard, pardon de vous avoir un peu bousculé, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, vous étiez deux en plus, il fallait se partager le temps de parole, bien ça s'est plutôt pas mal passé. Merci messieurs de votre collaboration sur ce point et sur le reste. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le conflit exemplaire de la Rodia, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Nicolas Slimani qui était à la technique aujourd'hui.